si les ricains n'étaient pas là. Nous serions tous en Germanie à parler de je ne sais quoi, à saluer je ne sais qui. Bien sûr, les années ont passé, les fusils ont changé de main. Est-ce une raison pour oublier qu'un jour on en a eu besoin? Un gars venu de Géorgie qui se foutait pas mal de toi est venu mourir en Normandie un matin où tu n'y étais pas. Bien sûr, les années ont passé, on est devenus des copains à l'amicale du fusillé. On dit qu'ils sont tombés pour rien. Si les ricains n'étaient pas là, nous serions tous en Germanie à parler de je ne sais quoi, à saluer je ne sais qui.